Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de logiciels de non-voyants, de mariage et de caca. Et pour titiller votre cortex préfrontal, Mathieu Boudreau, Andy Jacques, Florence Payette, Damien Blasbouchard, Coralie Laperrière et notre invité Jules Falardeau, vous êtes à 70%. Sous les stars d'académie, sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans les chanchous, les chanchous, chanchous. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort, du bon bon bon fort, chaton, tweeton, mais doutons encore. Oh! Oh! Oh! Ah! Question de réponse, bidon, pas de mouille, rien de méchant, pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux doutent à nu. Ta question de réponse, bidon, pas de nous, rien de méchant. Vive la vie, vive le vent, douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Ah, c'est vraiment une de mes tune-them préférées, une de mes 10 tune-them préférées de 70%, celle de Edgar Bory, qu'on salue bien bas, les productions de Londres. On a-tu 10 pour vrai? On est rendu à 11. Ah, OK, c'est bon. Fait 11. Qu'on dit pas c'est laquelle qu'on aime le moins. Ben, ça doit être... Non, c'est vrai. C'est... Non. Ben, ça doit être celle de Simon-Pierre puis de mon cousin qui ont fait en 30 secondes dans le salon. Genre. Je sais pas, elle a un côté très 70%. Elle a un côté très 70%. Ouais. Bruno, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Toi, t'es, cette semaine, gars, je vais te dire quelques mots. Là. Ouais. Pitbull de papier. Hein, ça... ouais. Tu sais que le gars, il a eu un procès, puis il a été accusé d'avoir... c'est une attaque à main armée. Ouais. Ils ont calculé la boule de... Parce que ça aurait pu être, tu sais, ça aurait pu. Ben oui. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. Puis toi? Ben, moi, j'étais allé à Ronde. Ah ouais? Finalement, ouais, c'est ça. Mais j'avais mal à la tête, fait que ça a été plate tout le long. Ah, ouais. Okay. Fait que la ronde a mal à la tête, c'est pas une bonne idée. pour le monde qui se demandait. Ouais. Ça a pas fait passer le patente, là. Non, dans c'est le ça. Temps, dans le temps, on allait fumer en arrière, dans des raccoins, faire du spécial, pis tout. Non. Pas cette fois. Non, je fais pas ça. C'est-tu la première fois que tu vas à la ronde sans utiliser des substances cyanantes ou? Non! Non? Ça doit être au moins la deuxième fois, je dirais. Okay. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, en fait, depuis que j'en fais plus de substances additionnantes, je suis jamais allé à la ronde. Ouais. Puis je me rappelle, quand je suis déménagé à Montréal, je me suis dit, Chris, ça va être juste à côté de la ronde. C'est en 2005 que j'ai emménagé au Musée de l'Absurde, puis je suis jamais allé depuis. Du coup, c'est peut-être trop proche. Hein, ben, c'est ça. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je peux donner une petite anecdote sur la ronde, moi. S'il te plaît. Ouais, ça fait à peu près 17 ans que je suis pas allé. Arrête donc. Ouais. C'est quoi, tu boycottes? Non, c'est... Oh, je boycotte, ouais. Oh. C'est bon, ça. C'est-tu que c'est bon? Oh, on était-tu encore dans la nouvelle formule puis que tu nous faisais ton premier bloc de nouvelles en commençant? Ben, je sais pas. Écoute, on l'a essayé une fois. Fait, que, ouais, fait qu'on va attendre 2 secondes voir si le générique des nouvelles part. Ah! Ah bon, fait que sinon, voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Corbin. Corbin. Corbin. Les nouvelles. Alors, après avoir travaillé pendant 6 ans pour une compagnie de logiciels en Californie, un homme a été renvoyé lorsqu'il a été révélé qu'il n'avait pas vraiment travaillé depuis son embauche. En effet, l'homme qui faisait un salaire de 95 000 $ par année pour tester des logiciels avait lui-même créé un logiciel qui faisait son travail à sa place. Fait qu'il s'est trouvé une job dans un autre département, genre. Non, en plus de perdre son emploi, l'homme qui affirme être accro au jeu League of Legends et à la bière. Donc, c'est ça qu'il faisait pendant qu'il travaillait c'est, pas. Ça, c'est le duo satanique, ouais. C'est sûr. Et maintenant considéré comme inembauchable, puisqu'après 6 ans de léthargie, il ne se souvient plus comment programmer des logiciels. Il OK, vu que ça fait 6 ans que son logiciel fait la job. Job à sa place, ouais. Il a même pas été l'amélioré, rien. Non, il version l'a fait. Bêta. Puis dans le temps, c'était pour jouer à League of Legends, fait que le besoin a créé l'organe, genre. Bonne question. Ben oui, il voulait tellement jouer à League of Legends que là, ouais. Il était plus ingénieux, tu sais, il fallait qu'il mange, genre. Ouais. Ben, il affirme qu'il souhaite réapprendre le tout et redevenir motivé à travailler. On lui souhaite bonne chance. En tout cas, il a prouvé qu'il était capable de grandes choses puis de staller avant la ligne d'arrivée. Là, oui, totalement. Bravo. À Great Falls, en Virginie, un homme a décidé d'être créatif pour enlever la dent lousse de son fils. Rick Rahim a publié une vidéo sur YouTube où l'on aperçoit son fils avec une corde accrochée à une dent lousse et l'autre bout de la corde est attaché à un hélicoptère qui décolle. La tension créée sur la corde déloge la dent telle une bonne vieille porte ordinaire. Et au grand plaisir des spectateurs de cette vidéo, Raïm explique « Faites des choses amusantes et créatives avec vos enfants. Créez des souvenirs ensemble. Wow. » Piloter des hélicoptères, ouais, pour votre pour enfant. Ben pour oui, enlever les dents de votre enfant. Il l'a même pas amené dans l'hélicoptère. Là. Il aurait pu accrocher la dent en bas, à la limite, embarquer le kit dans l'hélicoptère. Ça aurait été bien plus trippant. Ou tu y mets un élastique de bungee juste un peu plus long que la corde pour la dent. Ah ouais, ça tu c'est bon. Ça, tu pitches ça, man, avec des crocodiles en dessous puis de la poudre de perlimpinpin. Créer des souvenirs avec créer vos enfants. Créer des souvenirs, ben oui. Une belle leçon de vie, hein, tu sais. Douche. Et la bonne nouvelle, 70%. Yeah! Ben oui! Amis non-voyants, vous êtes nos égaux. Et pour le prouver, une compagnie qui fait la promotion de l'égalité depuis sa fondation a un nouveau service pour vous. En effet, Pornhub, l'entreprise de divertissement pour adultes, offrira des vidéos de pornographie pour les non-voyants. Soyez émoustillés comme nous grâce à de savantes descriptions de ce qui se passe à l'écran. De ce que les gens portent à l'angle de pénétration en passant par la moiteur de l'orifice choisi, c'est la meilleure affaire qui pouvait vous arriver, à part voir. J'ai très hâte de voir, Bruno. Merci. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Tu vas nous revenir plus tard dans l'émission. Je reviens plus tard dans l'émission. Ah, ça, apprécié. Là-dessus, donnez-y à Jules Falardeau, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Toi, t'es un semi-habitué de 70%, mais c'est la première fois que tu le vis au brouhaha, là. Ouais. OK. Ah, mais... Je suis vraiment content de t'en voir, Jules. Ça fait trop longtemps, là, sérieux. Très content aussi que tu nous amènes ton film à soir. On va écouter Gaétan. Parle-moi un petit peu du film. On va commencer avec ça. Ben, avant d'être un habitué de 70%, j'étais un habitué de douteux.tv. C'est vrai. Et douteux.tv, c'est un peu l'endroit où est né le film Gaétan, parce que y a une scène qui tournait là. Mais avant tout, c'est là que moi et Naïm, on a commencé à parler du projet après une soirée au douteux qui s'est terminée au Cheval Blanc. C'est vrai. Ouais, puis le projet est né de cette... Ouais, ouais, je m'en rappelle, ouais. Il y avait ta sœur qui était là. C'est ça. Ouais, bon, ouais, on la salue. Bon, et puis là, le projet, dans le fond, c'était de créer un personnage, mais y aller comme... Parle-moi de l'idée, dans le fond. L'idée, c'était une idée un peu cinglée au départ, en fait. Moi, je voulais inventer un personnage de tueur à gages excentrique. Donc, on a décidé qu'il aimait la musique country, qu'il était végétarien, qu'il étudiait en littérature. Ouais, il y a des principes. Oui. Puis à travers ça, ça donne un prétexte pour des espèces d'envolée politico-sociale un peu cinglée, tu sais, puis c'est pas si con que ça non plus, tu sais. Ouais. Ce qu'il dit, le personnage, il est peut-être pas moralement respectable, mais il y a des idées mais moralement défendables. Mais oui, puis tu sais, pour donner un exemple, des fois, des endroits où on l'a présenté, tu sais, il y a comme une vieille madame de 75 ans qui s'est dit « Oui, mais là, moi, je suis en train d'éprouver de la sympathie pour un tueur, tu sais, fait que... » C'est un des... C'est un beau compliment. Ouais, hein? C'est un petit peu ça le but aussi, d'y aller comme... Ben, c'est un peu ça, ouais. Il y a des gens, ils terminent le film, puis ils sont... La ligne est vraiment mince entre ce qu'ils croient qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, tu sais. Ouais. C'est une histoire de contexte. Mais en même temps, il y a cette notion-là de... On est en train d'avoir de la sympathie pour un tueur à gages qui te ramène toujours à te questionner, justement, sur c'est quoi la sympathie, est-ce que je devrais prendre pour ce personnage-là, c'est que ça... Je trouve que, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti beaucoup en regardant le film, c'est justement cette espèce de distance-là entre ces deux concepts-là. Puis ça faisait que c'est un film beaucoup plus cérébral qu'émotionnel, en fait, pour moi, quand je l'ai regardé. Ah, bon. Ouais. C'est pas pire. Je sais pas si c'était ça le but, mais... Ben oui. Ouais. Je boycotte. Sinon, à part le t'as-tu comme un autre projet de film qui s'en vient? Ouais, je suis en train de compléter un... Hey, je vais être dedans, hein? Je suis bon, en plus. Ben ouais. Je suis en train de compléter un long-métrage de fiction sur la boxe. OK. Ouais. Pourquoi la boxe? Toi, t'as une fixation ouais, là-dessus. Ouais, non, j'aime bien. Avec Reggie, puis le reste. Ouais, t'es un fan de Rocky? Métaphore, hein? Oui, je suis un fan de Rocky aussi. Mis à part certains trucs, il y a des trucs positifs dans chaque Rocky. OK. mais pourquoi la boxe quatre, encore? Par comment? Surtout le 4, ben ouais, par exemple. Parce que la paix et la guerre froide. Honnêtement, dans chaque Rocky, on peut y reprocher certains trucs, mais pas de négliger, pas de pas connaître la boxe. Est-ce que Creed, pour toi, c'est un nouveau Rocky? J'ai pas encore vu. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi la boxe encore? Il y a un côté de la boxe que j'aime bien, espèce de self-made man, de gens qui viennent des ghettos puis que c'est leur seule façon de s'en sortir. Tu sais, quelqu'un comme Roberto Duran, mettons, qui vient de l'extrême pauvreté de Panama puis que finalement, il se rend à se battre à Las Vegas. Puis tu sais, c'est du monde... Après, ils retournent dans leur quartier puis ils dilapident leur argent, ils le donnent au monde, Ouais. Puis c'est souvent les histoires de boxe finissent de façon vraiment triste. Parce qu'ils ont trop dilapidé le cash. Parce que oui, c'est ça, c'est du monde qui ont fait des Rocky, des dizaines de millions. Rocky, il a perdu après le 4. Son ouais, robot, vrai, il a mais... perdu son robot, même. C'est vrai, mais c'est ça. C'est supposément à cause de son beau-frère, en fait. Ouais, ben qui ouais, a fait des placements douteux. Ouais. Il faudrait... Ça serait genre Rocky de Side Siri, là, tu sais, les portefeuilles ouais, de l'enfer. C'est ouais. Ça. Ils te mettent tout dans Nokia, c'est fait bon. Fait qu'une fiction sur la boxe, t'as-tu ouais. Un site internet, un Kickstarter, de quoi qu'on peut... Non, on est encore à cogiter l'idée, là. Ouais, il y a plein de projets en ce moment qui... C'est bien, ça, ouais, je suis content de te savoir allumer. Puis je suis content de t'avoir avec nous autres, là. Je suis content d'être là. Puis, gars, est-ce que tu joues à Magic? Ben oui, j'ai une surprise, justement. Holy! Moi, on fait vraiment une entrevue sur Magic, puis je peux en parler aussi. Moi. Je peux parler de mon parcours. Écoute, t'es en train de réaliser un rêve. Fait que, je pense qu'on va être obligé. Le show va être un peu long ce soir. Désolé, tout le monde. Non, mais avant de dévoiler la surprise. La surprise, ben oui. Je peux parler de mon parcours de Magic. Je pense que t'es obligé. Oh my god, oh my god, oh my god! Parce que non, mais ça va être vraiment plus profond que tu penses. Ben oui, ben oui. On a eu Isabelle qui jouait la semaine passée, Isabelle Grondin. On va avoir deux invités de suite, tabarnak, mais qui moi, jouent à Magic. Mais toi, t'as un parcours. Moi, j'ai un parcours, oui. Moi, Magic, ça m'a enseigné le capitalisme. Très jeune. Moi, j'ai joué, j'étais à peu près, je te dirais, de... 10 à 13 ans. Intense? Ouais, intense. Bon, attends, mais on y va en l'ordre, là. Excuse-moi. Parce que la première fois que tu t'achètes un... Ben, c'est comme c'est des decks de 60 cartes, là. Puis là, t'as une rare, là-dedans. Ben, les gars plus vieux de l'école qui sont en 5e, 6e année, ils disent, hey, tu t'as acheté des Magic, hein, tu connais pas ça, on va t'aider à... Alors, mon Royal Assassin, ils l'ont échangé contre, ils me donnaient 5 cartes. Puis toi, t'es tout petit, t'es comme ouais, 5 cartes avec des gros chiffres. Avec, oui, voilà, tu sais, genre un Sea Serpent. Ça, là. Puis là, ben attends, mais c'est pas ça. Moi, je suis pas fou. On me dit que je me fais crosser. L'échange est déjà fait. Fait que là, je vais voir la surveillante de dîner. Puis je dis, lui, il m'a crossé. Appelle à l'autorité. Voilà. Et là, on l'a obligé à redonner ça. Mais moi, après ça, j'ai compris. J'ai dit, ah, il y en a d'autres plus faibles à qui on peut faire le même coup. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais, tu sais, je suis pas fier de ça aujourd'hui. Là, mais... J'avoue que t'as comme été le pire dans les deux directions. Là. T'as stoulé à la place ouais, de la première leçon ouais, et t'as appliqué l'affaire duquel t'as... Comme une banque. Oui, comme une banque. Mais la leçon du capitalisme est très vivante. Ben oui, parce que, tu sais, j'étais comme un vrai petit Saddam Hussein. Là, moi, c'est... Et puis c'est fou. Même dans le temps, je me rappelle quand j'ai commencé, les Black Lotus, c'était 210$. À cette heure, tu peux faire un paiement sur une maison avec un bout de papier, ça de gros. Ça vaut. Ah, vous connaissez rien. C'est, mais sauf ceux qui jouent à Magic. Mais là, ça se poursuit, ça se poursuit. OK, OK. Ensuite, il y a eu un tournoi de Magic à l'école primaire, je te dirais peut-être un an plus tard. Et j'ai gagné avec un deck de Ball Lightning. C'est fort, ça. Parce que les gens ne connaissaient pas encore, n'étaient pas habitués à ce style-là. Moi, je fréquentais le Carta Magica. Oh. Et puis, j'avais des enseignements. C'est pas mon magasin de cartes. Non, non, mais écoute, ça jouait, tu sais. À l'époque, c'est quoi, en 96? Yeah. Hein, ça jouait. Puis, après, ben, vu que j'ai gagné le tournoi, tu sais, on m'a remis un beau diplôme imprimé. Et, t'as un diplôme de ouais, Magic? Oui, mais là, je l'ai pas. Ça aurait été trop compliqué, mais... Il a fallu que je me choque le familial. Parce qu'il est sous d'eau. Mais après ça, non, tu vas voir l'astuce. Là, tout le monde a dit, ah ouais, c'est les Ball Lightning, c'est ça l'avenir, tu sais. Puis là, tout le monde a commencé à copier le deck. Mais moi, j'étais plus vite. J'ai fait un deck de Stasis avec des Serra Angel. Et là, tous les decks de Ball Lightning se frappaient. Voilà. Fini. Ouais. Ok, tu créais une mode pour après ça, non, on va le moi, remettre je comme une pas. Pharmaceutique. Je suis une horrible personne, en fait. Non, mais c'est plus les leçons de Magic qu'on est en train de comprendre. Oui, je sais. C'était juste des gars qui pleuraient parce qu'ils avaient perdu. Là, tu comprenais où Magic s'en allait, puis toi, t'appliquais. Moi, je dirais plus comme David Bowie. C'était plus fin. Ben, c'est parce qu'il prenait les banques tantôt. Ouais, c'est ça. Dis, ouais. Continue. Non, on est rendu à toi adulte parce qu'il faut qu'on aille ouais, au show. Ouais, ben, là. C'est ça. À un moment donné, okay. Écoute, il se passe des choses dans la vie. Je ne peux pas poursuivre, moi en tout cas, je ne peux pas poursuivre cette passion de Magic. On commence à découvrir les substances, comment tu dis? Des tâtons. Non. Ça, c'est en même temps, c'est à peu près en même temps. Des substances. Parce que jouer sur le pot, c'est correct. Ben, c'est ça, Magic, non, mais j'ai délaissé, j'ai découvert des trucs. Des substances altérantes, des comme substances ça altérantes, les spéciales. Femmes, ouais, ouais. C'est, ouais. Fait que Magic. Mais ouais. Je me suis dit, garde, je vais me garder un deck. J'ai tout vendu le reste pour les substances et les tâtons. C'est peu, man. Non, c'est tellement la trail qui est... On fait va s'en reparler. C'est l'histoire du capitalisme. Là, t'as gardé un deck, quelle couleur? Vert. Vert, voilà. Avec des elfes? Ouais, des astuces ouais, d'elfes. Ouais. Mais j'ai des cartes étrangères. Calice d'elfes. Okay. OK, on arrête de parler de ça. Merci d'être avec nous, ça, Jules. Hein? J'haïs les elfes. Je vais prendre ta surprise plus tard dans l'émission. Là, on va commencer à avoir un déroulement de chroniqueurs de qualité très différentes qui vont passer. N'hésite pas à commenter, à le mettre à l'aise. On est très content que tu sois avec nous. OK. Jules Falardeau, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. C'était la plus belle épopée de jouage de Magic. Il y a un diplôme chez eux de jouer à Magic. Let's go, Nick! C'est un bon show! Viva la révolution! Ouais, ouais. As-tu vu, il a lui-même poussé la porte qu'il mettait dehors. Très éloquent. Ben, c'est... Attends, je vois. Je sais pas s'il y a sa chronique là-dessus. Ouais, il y a peut-être de l'information. Il est écrit pitbull de papier. Ah oui. C'est quoi la prochaine étape après bannir le pitbull? Est-ce que tu penses qu'il faut bannir les labradors aussi? Les boxeurs? Ouais, bannir les libéraux. Si je peux me permettre, là, la presse a les dit... Les autres sucent plus qu'ils mordent. La presse a dit le plus sérieusement du monde que Philippe Couillard l'avait reçu en pleine poitrine. Oh, ah ouais, pleine poitrine. Un blast! Ben, c'est comme... Ouais, ouais. Ah ouais, ça c'était une boule loadée d'énergie cinétique bout portant qui visait le cœur. Lancé à les poumons, les poumons remplis de haine, comme il dit. C'était-tu Gambit qui l'a lancé? Juste pour savoir, tu sais. Non. Ben, si non. C'est Gambit qui peut-être, l'a lancé. Peut-être. Là, faudrait, ouais. Non, je pense que c'était juste comme Transbit. Ou plus. T'es tout seul dans ce trou-là, Tommy. je m'excuse. Je voulais faire un jeu de mots et. Donc. C'est que on fait quoi? C'est-tu la fin de la chronique à Mathieu? Je pense que c'était Mathieu. La fin de la chronique à Mathieu. OK. Ben, ça va, Jules? Ouais. OK. J'ai pas d'autres anecdotes de Magic pour combler le... On va passer au prochain. T'es une victime de l'attentat, en fait, ton micro est... Ah. Dommage collatéraux, comme on dit. Des victimes de l'attentat. Faut que tu plaques de... ouais, dans le... des dommages collatéraux de l'attentat. Le micro s'est débranché. Et l'autre, il voulait juste promouvoir la liberté d'expression et paradoxe. Il l'enlève débranché le micro. Ah ouais. OK. Ben, on remercie. Oui, c'est ça que ça fait, hein? Ça brise des choses. Ça, genre. Ça. Bravo pour le beau début d'émission, gang. Merci. C'est parce que moi, je pensais pas que ça allait être comme à 30%, puis j'ai pas fait une chronique super hot, là. Fait que c'est qui va faire comme monter la cote? Je sais pas, peut-être pas, là. Okay. Ah oui! Bonjour, Jules, ça va? Ben oui, ça va. Ah, ça va bien. Cette semaine, bon, on a la Saint-Jean qui arrive vendredi. Puis on m'a dit, ah, Andy, pourrais-tu faire quelque chose à propos de la Saint-Jean? Puis là, je fais. Non, oui, ouais, OK. Je pourrais ressortir une de mes vieilles chroniques que j'ai jamais faites, qui est la chronique « Tout apprendre en 5 minutes ». Puis aujourd'hui, le sujet, c'est la Saint-Jean. Oh, ça donne bien. Fait que là, sortez vos oreilles parce que ça va être long. Puis fastidieux, mais en 5 minutes. La Saint-Jean. Dans le fond, c'est le solstice d'été qui, selon le calendrier julien, tombait le 24 juin et qui était célébré par des feux de nuit symbolisant la puissance fertilisante du soleil, bien sûr. Ces feux de joie demeurent encore aujourd'hui le symbole le plus ancien de la fête. En Syrie et en Phénicie, la solstice donnait lieu à une grande fête en l'honneur de Tammuz. Tammuz, qui est un roi sumérien d'environ 2900 ans avant Jésus-Christ. Il a été élevé au rang de Dieu et a été appelé le pasteur des peuples. Et c'est un petit peu grâce à lui si on fête encore aujourd'hui cette fantastique fête. Cette fête commençait donc la veille au soir, comme la Saint-Jean traditionnelle. En plus de son caractère de rite de passage saisonnier, la fête du solstice d'été marquait également un jalon dans le cycle de production agricole, alors que s'entamaient les grands travaux agricoles qui ne s'achèveraient qu'à la fin de l'été. Donc, on faisait un méga party avant qu'on travaille. Le bûcher de la Saint-Jean se pratiquait dans le passé à Paris. Et, les autorités de la ville se chargeaient de l'organisation. Et d'ailleurs, le feu était traditionnellement allumé par le roi de France en personne sur la place de Grève, qui est la place de l'hôtel de ville aujourd'hui. La coutume, d'ailleurs, perdura jusqu'en 1648, où Louis XIV officia pour la dernière fois et dit « Bah, la marde, c'est moi le soleil, fait que ça donne rien que j'allume le feu ». La fête a débarqué en Amérique avec les premiers colons français Les premières célébrations de cette fête chrétienne en Nouvelle-France ont lieu à partir de 1606. Des colons français qui se dirigeaient vers ce qui allait devenir l'Acadie en faisant escale à Terre-Neuve et célébraient le 24 juin la Saint-Jean-Baptiste sur les côtes. Une seconde mention de la fête, d'ailleurs, nous est parvenue et remonte en 1636 selon les relations des jésuites qui relatent les célébrations prenant place à Québec et commandées par le gouverneur Montmagny. On saute une très grande étape parce que, dans le fond, la fête était à ce moment-là juste... c'était plus païenne, chrétienne, mais beaucoup plus païenne à ce moment-là. C'est le 24 juin 1834 qu'est enfin chanté pour la première fois le « Au Canada, mon pays, mes amours », qui n'est pas le « Au Canada » qu'on connaît, c'est une autre pièce, de Georges-Étienne Cartier, qui l'a chanté lors d'un grand banquet patriotique qui regroupait 60 à peu près francophones et anglophones de Montréal, dans les jardins de l'avocat John McDonald, qui n'était pas trop loin de la gare Windsor. Le gars des 10 piastres, là. Non, ça c'est McDonald. Ça, c'est McDonald. McDowell. Ah, McDowell. OK, McDonald. Puis c'est John McDonald. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est lui qui a des lunettes. Ouais. Ben. Ta gueule, hein, ouais. D'ailleurs, il y avait plusieurs hommes politiques réformistes, dont Edmund Bailey O'Callaghan, Louis Perrault, Thomas Thoreau Brown, Édouard Étienne Rodier, Louis-Hippolyte Lafontaine, qu'on connaît bien par son grand parc qu'il a créé, et le maire de Montréal, Jacques Vigé. Qui était présent à ce banquet. La raison exacte du choix de Saint-Jean-Baptiste, on ne sait pas vraiment. Parce que à ce moment-là, il y avait plusieurs opinions possibles. Soit qu'on essayait de... parce que les Irlandais avaient leur fête à ce moment-là, puis on s'est dit, ben, ça nous en prend une, nous autres avec, on va pogner notre saint à nous. Ou il y a aussi une autre des anecdotes qu'il y aurait un lieutenant anglais, quand il révisait un régiment, ce serait exclamé « Dan, they hall John Baptiste », parce que dans le temps, tout le monde s'appelait Jean-Baptiste. C'était le tremblé du temps. Ah, c'est quand même. Jean-Baptiste vient d'un anglais. Ben non, mais c'est vient de l'anglais qui s'est exprimé. Vous êtes tous des Jean-Baptiste. Exact. On nous déclare grenouille ou frog parce que c'est des Anglais qui nous ont déclaré frog. Ben oui, parce qu'il y a des wawarons. C'est les plus grosses grenouilles au monde. Puis c'est des grenouilles québécoises. Donc, exactement. Donc, c'est, le concept de Jean-Baptiste serait identique aux Canadiens français comme les Patrick pour les Irlandais ou les Jonathan pour les Américains. Dans le ouais, ouais, ouais, ouais. On sait également, et là, on s'en va dans une région, Damien, tu vas aimer ça. On sait également qu'une loge maçonnique anglophone dirigée par John Molson, fils, avait l'habitude de tenir un banquet le 24 juin. Et l'aspect solaire de la fête revêtant une grande importance à la cosmogonie maçonnique, il n'est donc pas impossible que les sympathisants patriotes organisés autour de Duvernay aient voulu faire un contrepoids, d'autant que plusieurs étaient francs-maçons eux-mêmes, donc d'essayer de contrer les Anglais. Mon franc-maçon est plus gros que le tien. Genre. On saute à la rébellion, et ça c'est en 1834, on saute à la rébellion des patriotes 1837 à 1839, évidemment, ça cause une interruption des fêtes, parce que, hey, c'est pas le temps de faire le party, les Anglais sont là. Fait que pendant à peu près 5 ans. Puis par la suite, ben là, les Canadiens français ont essayé d'éviter l'assimilation. Et la façon de refaire cette fête-là, c'était de le mettre beaucoup plus aux côtés de la religion. Donc, de vraiment mettre l'accent beaucoup plus sur la religion que sur la fête patriotique. Oh. Donc, c'est pour ça que c'est comme retombé à une fête beaucoup plus religieuse. Parce qu'aussi, les anglophones sont en majorité protestants et nous, on est comme catholiques. Catholique. Oui, puis aussi, comme on dit, les Anglais sont réveillés. comme et d'ailleurs, c'est à partir de là que plusieurs sociétés Saint-Jean-Baptiste naissent sur le territoire c'est dans ces temps-là. Fait à noter, les chars allégoriques, c'est en 1874 que ça a commencé. Donc les parades. Pas chez nous. Ben partout. Oui, chez nous. Oui. On a inventé ça. Non, ça a apparu. Non, je pense pas qu'on a inventé ça. Il n'avait rien, puis là, il n'avait rien. Il n'avait rien. C'est ça. Okay. Le 24 juin 1880, les citoyens de la ville de Québec participant aux festivités de la Saint-Jean se font chanter un autre au Canada. Aujourd'hui, qui est évidemment l'hymne national du Canada. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, il était extrêmement populaire, puis on le désignait comme l'hymne national des Canadiens français. Les paroles qui sont d'Adolphe Basile Routier et la musique de Calixa Lavallée. Et donc, c'était l'hymne des Canadiens français, c'était l'hymne des Québécois avant qu'on se le passe. Mais en fait, la majorité des Canadiens anglais ne se considéraient pas Canadiens avant longtemps. Exactement. C'est comme ce qu'on pourrait appeler de l'appropriation culturelle. J'avais ça moi aussi dans la tête. D'ailleurs, question, même si on se sépare, on part-tu avec le nom ou... Je pense pas, non. Je pense qu'on a fait genre, regarde-les, c'est correct qu'on a inventé un autre. Ben même au dernier référendum en 95, si ça avait passé selon la question que le Parti québécois avait proposée, l'Abitibi serait plus dans le Québec. Ontario, genre. Il aurait perdu de la place parce que c'était de ramener la géographie du pays à l'acte de l'Union, avant l'acte de l'Union, ça et tout le nord de l'Ontario, c'est tout peuplé de francophones aussi. Là, ouais. En tout cas, c'est pas super ce qu'on offre d'habitude, mais on vient d'apprendre quelque chose longtemps sur une fête qui nous donne quand même une journée de congé payé. Ça, quand on n'est pas contre. Ça. En 1808, le pape Pie X, c'est important de connaître nos papes, fait de Saint-Jean-Baptiste le patron spécifique des Canadiens français. Donc, officiellement, c'est en 1908... Le pape a dit... Que c'est là que les catholiques font... C'est beau, il est à eux. C'est ça. Le pape, il s'est plugué sur Saint-Jean, il a dit, toi, c'est eux autres. Et voilà. De 1914 à 1923, pour des raisons complètement obscures, les défilés n'ont pas eu lieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Première guerre mondiale. Une épidémie d'odeur. Mais non, première guerre mondiale. Ah, OK, c'était une joke. Ouais. Ben okay. C'est la réalité. Non, mais c'est vrai que c'est une... Je te dirais que c'est une des meilleures années pour avoir une première guerre mondiale. En 1925, le gouvernement du Québec fait du 24 juin un jour férié. C'est enfin la première fois qu'on décide que cette journée-là, elle est fériée. Après la Révolution tranquille, la Saint-Jean-Baptiste prend un aspect un petit peu plus politique. C'est là où est-ce qu'on commence à le reprendre comme étant patriotique. Les générations les plus jeunes rejettent la symbolique religieuse associée auparavant aux festivités. Le 24 juin, c'est d'ailleurs à ce moment-là que la représentation traditionnelle de Saint-Jean-Baptiste, en petit garçon frisé accompagné d'un mouton, et ça, allez voir sur Google, c'est vraiment hot. Il y a des belles photos. Là. disparaît au profit d'une statue de 10 pieds représentant le saint en homme mature. Qu'on veut à l'image du Québec moderne. Là. Il y avait quasiment son marteau. Là, tu sais, comme. Okay. Saint-Jean-Baptiste, il est rendu vieux. Il continue à nailler du monde, par contre. En 1969, des manifestants du Front de libération populaire détruisent la statue représentant Saint-Jean-Baptiste en la précipitant par terre. Comblé d'ironie, celle-ci se décapite en tombant et sa tête ne fut jamais retrouvée. C'est sûr que c'est un sous-table à quelque part. À quelque part. On va sauter parce que plus qu'on se rapproche puis plus qu'on connaît un peu qu'est-ce qu'il y en est comme en 1977, le 11 mai, par un arrêté ministériel du gouvernement de René Lévesque, le 24 juin devient donc le jour de la fête nationale du Québec. Donc, c'est pas la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête nationale du Québec. On a encore gagné un niveau. Ouais. L'année d'après, en 1978, le comité organisateur de la fête nationale se crée du Québec. Le comité confie l'organisation à la Société Saint-Jean-Baptiste, qui en restait juste une. Dans le fond, ça s'est tout assemblé en une. Depuis le 24 juin... Depuis le 24 juin 1975, la chanson « Jean du pays » de Gilles Vigneault joue lors des festivités. Évidemment, ça fait rage. En 1984, l'organisation est confiée au Mouvement national des Québécoises et des Québécois, dont fait partie, évidemment, la Société Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça a comme grandi. Généralement, bon, tout le monde le sait, où est-ce que ça se trouve, où est-ce qu'il y a le plus de Québécois, c'est sur les plaines d'Abraham. Il y a environ 200 000 personnes, sauf qu'à partir de 2011, le maire Labeaume a décidé d'enlever l'alcool sur les plaines d'Abraham. Et depuis, il y a juste 40 000 personnes sur les plaines d'Abraham. C'est le move qui a le plus aidé le party. Ouais, genre, fait que pour une raison, je pense que l'alcool est, aurait un rôle à jouer dans cette fête. Attends, là, il y a une affaire, t'as parlé des Irlandais qui avaient la Saint-Patrick. Ouais. Eux autres, ils ont le droit de boire de l'alcool. Ben, dans la rue, non, pas particulièrement. Ils boivent dans les bars, eux autres. Ils sont pas sur une plaine à aller boire. Sur Sainte-Catherine à regarder des chars allégoriques de CTV. Et voilà. C'est vraiment. C'est super pertinent. Mais alors, là, on parle de Québec. C'est quand même... En tout cas, je trouve ça un petit peu deux poids, personne deux mesures. Personne fête la Saint-Patrick à Québec. Tu penses pas? Je sais pas. Ben, ouais, il doit y avoir pas d'Irlandais à Québec. Ouais, c'est vrai. OK, c'est bon. Fève. Ma gueule. D'ailleurs, aujourd'hui, la fête de la Saint-Jean-Baptiste est célébrée par plusieurs communautés catholiques à travers le monde. Donc, c'est pas juste ici. Danemark, beaucoup slaves. On prête notre saint. Portugal, Espagne, en France, évidemment. La France. Et d'ailleurs, certaines personnes au sein des communautés francophones du Canada regrettent que le Québec se soit approprié cette fête parce que c'est la fête des Canadiens français et non pas des Québécois. C'est vrai, c'est vrai. En contrepartie, la Société Saint-Jean-Baptiste accuse Ottawa d'avoir volé les symboles nationaux historiques des Québécois, qui veut dire la feuille d'érable, le castor et évidemment notre au Canada. J'ai juste fait un fait cocasse, ça m'a pris du temps, mais je voulais faire ça parce que j'ai toujours l'impression, c'est peut-être récent, mais j'ai l'impression qu'à Saint-Jean, il y a de l'appui tout le temps, constamment. Puis je me suis dit, il doit avoir quelque chose. Fait que je suis allé sur le site de météo du gouvernement, puis je suis allé vérifier chacune des 24 juin depuis 1884. C'est les données que j'ai. Donc, ben, c'est sur 144 ans. Et sur 144 ans, il y a eu 70 années où est-ce qu'il n'y a pas eu de pluie et 74 années où est-ce qu'il y a eu de la pluie. Oh, j'aime donc, ça. Donc, c'est 50-50. OK, j'aime. Oui, c'est le fun, ça. Et je tiens à vous dire que les six dernières années, il n'y a plus. Seven times the charm? On ne sait pas. Alors, maintenant, vous en savez un petit peu plus. Mais merci. Si je peux me permettre d'ajouter une anecdote. Ben oui. Ouais. J'étais pas là, mais je pense que c'est un peu incontournable. De 1968, La crise. Ouais. Ben, Pierre-Éliott Trudeau qui avait dit. Ouais, je l'ai enlevé parce que c'était long. Mais non, oui. Fallait. Je pense que c'est important. Racontez. 1968, Pierre-Éliott Trudeau. Qui disait aux Québécois que c'était des minables, etc. Puis il avait décidé d'aller aux célébrations du défilé sur Sherbrooke, où est la Bibliothèque nationale. Ouais. Et il y a comme une début d'émeute qui s'est déroulée. Les gens commencent à lancer des objets. Et lui, il est parti, mais il a décidé de retourner s'asseoir pour les narguer. Puis non, c'était plus que les boules de papier. Ouais, c'était un peu plus intense. Mais ce qui est arrivé vraiment, c'est que la répression policière pour l'époque, c'était assez particulier. Ouais, il y avait 200 arrêtés, 100 blessés, en comptant les chevaux, les policiers. Une des choses qui est intéressante, pour les gens qui connaissent le chroniqueur Claude Aubin, qui était policier à ce moment-là, il raconte, puis ils disent qu'ils ont fait courir des fausses rumeurs parce qu'il y a un policier qui est mort d'une crise cardiaque. Puis ils ont dit qu'il y a des policiers qui se sont fait tuer, qu'il y en avait un qui a reçu de l'acide au visage. Il y en a un, qui avait les yeux crevés. La joke de l'acide revient. L'attaque à l'acide revient. C'est officiel. Là, genre, puis ça a juste galvanisé les flics pour casser du monde. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a... Je vais faire le party pour la Saint-Jean. Je traîne ma fiole d'acide. Écoute. On va se le dire. C'est un peu comme l'histoire du javelot de la grève étudiante. Tu t'en vas manifester, t'amènes ton javelot. Héritage gréco-romain oblige. Moi, je l'amène trois parce qu'il y en a tout le temps qui oublient l'air. Ouais, c'est vrai. Tu manifestes ou tu manifestes pas? Mais dernier fait cocasse, si on peut dire, c'est que Paul Rose et Jacques Langteau se sont connus dans le fourgon cellulaire des arrêtés de cette Saint-Jean 1968. Tu vois, la prison, tout est dans tout. C'est l'université du crime. Ouais. Mais c'est surtout que tout est dans tout. C'est que grâce à Pierre-Éliott Trudeau d'avoir fait le cave en restant sur le stage, ça a permis à deux personnes du FLQ à se rencontrer et on connaît la suite. Ça, et tout se finit bien. Merci Andy Jacques, mesdames et messieurs. Ah, sapristi, le Québec. Hein, moi le sentiment nationaliste, c'est pas quelque chose qui me titille beaucoup. J'ai longtemps eu beaucoup de difficultés à me sentir fier d'être né à quelque part. Mais je sais pas où j'en suis trop avec ça. Il y a Stephen Harper qui m'a convaincu d'être souverainiste aux dernières élections. Il m'a dit, gars, on est vraiment cave de ce bas-site. Moi, j'aurais aimé mieux qu'il n'y ait pas de ligne et que je les trouve pas cave, mais calisse. Non, mais c'est pas une question d'être plus ou moins cave qu'eux autres. C'est juste deux peuples différents. Une affaire d'identité, toi. Non. C'est une affaire de carte Magic à la base. Non, non, mais je rigole. Puis dans Westmount, ils ont toutes les meilleures cartes Magic. C'est ça, vrai. Ça passe pas. C'est, ouais, vrai, c'est ça, mais c'est ça, les c'est plus faibles qu'on pouvait escroquer facilement, tu comprends? Sur les ondes de radio H2O. Le supermatozoïde. C'est Mathieu Graton, mesdames, messieurs, en direct de son téléphone qui nous appelle, qui prend le temps de jouer avec nous. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis content d'être là avec vous autres, là. Ouais. C'est le fun, ça. Oui, c'est là. Et c'est drôle parce que pendant que je te parle, oui. C'est ce qui vient d'arriver chez nous? Non. Il y a une corde de mon ukulélé qui a décidé de péter tout seul, de même. Qui est au-dessus du foyer, ça a fait pow, elle vient de péter dans ma face pendant que je te parle, mais c'est pas plus grave. Je me demandais c'était quoi qui se passait. Je sais pas si c'est une coïncidence. Moi, il y a un poil de nez qui est tombé sur mon bureau de travail. En tout cas, je sais pas. Là, je pense que c'est le battement d'ailes d'un papillon. C'est comme ça qu'ils appellent ça, là, les effets. Ben, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Là. D'après moi, les gens là, qui écoutent, ils vivent quelque chose en ce moment. Oui, je pense que oui. Hein. Tous les jeudis soirs, de 20h à 22h. Radioh2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Hey, dis à Nick de passer au prochain. Ben, passer au prochain. Hey, excuse-moi, j'ai été libéré, hein? 500$. Puis vu que c'est moi qui ai chauffé le char de flic pour aller là-bas pour bonne conduite. Fait que, dans le fond, là, je suis vraiment fourré parce que je suis coupé parce que Andy, Chris, c'était trop long. Fait que c'était vraiment fucking trop long. Mais là, c'est encore trop long. Moi, fait que garde, c'est un branding que j'ai fait. C'est un nouveau produit que je veux sortir sur le marché. C'est notre première année et déjà, on est à plus 3,7% de profit dans le premier trimestre. Donc, je viens ici ce soir pour vous offrir 10% de ma compagnie en échange de 250 000 $ pour acheter des machines pour produire ça en série. Des armes de destruction en série. Des armes de destruction sensibles. Une chaudière de boules comme de ça. Papier. Fait que prenez-en. Ça, c'est les échantillons. C'est gratis. Hein? Bon, pour qu'on comprenne la qualité de tes boules de papier. J'aimerais, mes chers dragons, vous remercier d'avance. Est-ce que boudreau de Chris? On vient tous se faire boudrer en même temps, hein? On s'est tous fait boudrer d'en face à part de ça. De toute beauté. On passe au prochain, Nick. Allô! Allô! Bonjour. Salut, bonjour. Florence. Allô. Ben, comme la Saint-Jean approche... puis que mon shtick, c'est d'aller voir le plus de films possible puis d'essayer d'en apprendre le plus possible. On m'a conseillé d'aller voir Le Poil de la Bête, film de Philippe Gagnon de 2010. Fait que, ouais, je vais embarquer avec ça. Je pense qu'on l'a projeté ici l'automne passé. Ça. Oui, pas je pense. Vous l'avez-tu le projeté? Fait que l'histoire se passe en 1665 parce que 1666, ça faisait un peu trop suspect. On est en Nouvelle-France, puis on nous dit qu'en 1645, un prêtre s'est battu avec un loup-garou. Puis on revient en 1665, où un coureur de jupons notoire défie les meilleures pires autorités de Québec et s'enfuit dans le bois pour se battre avec des loups-garous, faire mourir Michel Barrette, trouver une gang de colons des bois, puis tomber en amour avec une fille du roi, et ce, pas nécessairement dans cet ordre. Donc, on a notre équipe. On a Guillaume le mythe vierge. Ben oui! Dans son rôle de crédible. Ben oui. Dans le rôle de Malfrat, qui devient un héros malgré lui. Petite parenthèse, ses initiales sont GLT. Vous rendez-vous compte à quel point on est passé proche d'avoir un comédien québécois dont l'acronyme serait BLT? Je vous laisse penser. Je pense des fois, ça. Oui, hein? Ça te réveille la nuit, toi aussi? Puis il fait à peu près ça aussi, un pis un, 12 pouces. Ouais, 12 pouces BLT. Ouais. GLT, je pense qu'on peut trouver quelque ça chose aussi. Donc, on a Viviane Audet et Célina de Ramdam en Fille du Roi. On a Gilles Renaud en tant que noble qui parle en cul de poule. On a Antoine Bertrand, Marie-Chantal Perron, Patrice Robitaille, puis même une apparition de Michel Barrette en tant que colon des bois. Bref, quasiment un all-star avec pas de Rémi Girard. C'est ça. Donc, voici ce que j'ai appris. Je dirais que t'es un peu trop confiant en tes compétences et l'importance de ton prisonnier quand t'appelles ton prisonnier le pendu de Québec avant de l'avoir pendu. On sait qu'on est en 1665 parce qu'en Nouvelle-France, les gens parlaient le québécois de maintenant en pluguant des mots français. Par exemple, on prend pas un homme pour de telles bagatelles. À Québec, en 1665, il n'y avait que 10 filles du roi, dont 3 étaient trop pichoux pour le seigneur de Beauport. Quand tu veux chasser le Guillaume les Métis Vierges sauvages dans la forêt, t'es mieux d'attendre que la bête soit bien en curé puis qu'elle aille voir chez toi avant de l'assommer puis après de faire comme si rien s'était passé. Ça arrive dans les films. Moi, je crois. Les compteurs sont une bonne source de vitamine C pour tous les loups-garous en développement. En Nouvelle-France, on lavait des égratignures en crissant de l'eau sur des vêtements par-dessus les égratignures. En plus, ça sauve des clauses dans les contrats de comédiens pour nudité. Hein, économe, les ancêtres, hein? Parlant de plaies, pour faire un pansement en Nouvelle-France, il fallait faire une attelle. Vous voyez les merveilles du savoir médical qu'on a maintenant grâce à toutes ces attelles faites par nos ancêtres? Hein? Philippe Couillard, n'aie pas peur, si tu as un paper cut, va te faire faire une attelle, méthode de grand-mère, c'est assuré, tu vas guérir. Sonnemer la framboise fera en sorte de te rendre plus délicieux aux yeux des loups-garous qu'un gars de dû, ce qui laisse à penser que les loups-garous ont soit la dent sucrée ou possiblement sont diabétiques. Ou végétariens. Ouais. Ils tuent par plaisir et ils mangent des framboises. Ils mangent de la framboise. J'éviterai les noms de fruits, de pain. Allez pas dans le bois. Les curés du Québec se déplaçaient avec des guns qui tirent des crucifix. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Oui. Il y a un gun avec un crucifix. Hey, c'était laid en tabarnak, ça. Ça fonctionnait avec plus qu'un crucifix qu'on ne voyait jamais. Oui. En 1665, les orchestres symphoniques sauvages attaquaient les oreilles des pauvres spectateurs insouciants. Pour contrer les loups-garous, c'est important de souper avec et de leur dire qu'on les a démasqués en étant subtilement subtils en toute subtilité. Je fais un clin d'œil. Et en alexandrin, parce qu'on a de la classe ou on ne l'a pas. C'est aussi très important de plugger le plus possible l'expression « avoir la chienne » dans un film de loups-garous. Et ne deviens pas loup-garou qui veut en 1665. En effet, pour devenir lycanthrope, il faut être né de l'union d'un homme et d'une louve. Fuck les morsures, fuck les scratchs. Si t'es pas cis loup-garou hétéronormatif et laïque, tu peux pas être loup-garou. Moi, je dis que c'est des doubles standards, calvaire. Bref, si vous êtes pas capable de passer par-dessus le fait que le jeu d'acteur est inégal quand il y en a, ça risque d'être la meilleure histoire de loup-garou de Québec que vous allez avoir au grand écran, principalement parce que c'est la seule. C'est vrai, c'est vrai. Semblerait aussi qu'il y aurait eu un deuxième volet nommé Les enfants de chienne si la première semaine de la sortie de ce film de 4,5 millions de dollars, il aurait pas fait une recette de 45 000. Pour vrai? Je vous laisse y réfléchir. Ouais. Je veux le voir, ce film-là. Tu l'as pas déjà vu. Merci, Florence Payette, mesdames, messieurs. Pertinente. Le cinéma québécois, hein? Toi, tu dois siphonner des subventions tout le temps. Là. Ben, ça commence. Ouais, je comprends. Mais, si je peux te parler de Nouvelle-France, par exemple. Une Nouvelle-France? Non, Nouvelle-France, ça a eu un budget de 33 millions. Ouais, c'était important. Ouais, c'était, ça a bien marché. Il y avait Rémi Girard, eux autres. Il y avait Gérard Depardieu aussi. Enfin! Rémi Girard Depardieu. C'est le papa barba papa rose. Ouais. Let's go, Nick, on passe au prochain. C'est Rémi Girard Depardieu. Hey, Valérie, est-ce qu'on peut avoir trois ambrés, s'il te plaît? Ouais, Oh yeah! Ouais! Ok! Je peux te prendre? Je peux. Je peux te prendre? Doc! Doc! Attends! Je vais l'écrire sur une petite napkin. Ok! Excuse, ben j'ai fumé du pot. Ok! Je peux te prendre? Hot dog, on le dresse! Hot dog, on le dresse! Mais attends! Tu sais, les hot dogs, on le dresse, ça prépare comment? Est-ce que les hot dogs, on le dresse? C'est quelque chose de bien québécois? C'est quelque chose de bien spécial? Tu te prépares sur la mode de Romanville? Comme avec une petite ligne de ketchup. T'es-tu en train de me dire que les hot dogs on dresse, tu coupes des petits cornichons en dés, tu crisses là-dedans, tu grilles une petite saucisse, pas trop vapeur, semi-grill, semi-vapeur, l'eau 75 degrés Fahrenheit. Ça, c'est les hot dogs on dresse, tu me mets ça, là? Quelle sorte? C'est bien, moi, de donner des hot dogs on dresse tant que tu veux. Les sortes, c'est comme les humoristes. Les humoristes, il y en a plein, ça. Y'a des humoristes qui font des jokes, ils parlent de leur blonde, comme la joke, bonne joke, mais c'est la joke, ça va? Ouais. Samy, a pas marché. Mais y'a toutes sortes de jokes, comme y'a toutes sortes de jokes d'humoristes, comme y'a plein de gens. Disons au Québec, on aime bien ça les humoristes, hein? Oh, oups, le fil. Ok, c'est bon, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah bon, non! Attends, pour être encore une joke. Regarde ça, là, de plein de jokes là-dessus. Là. Ok, bon, ok, c'est une joke, imagine, c'est comme deux lesbiennes, tu sais, avec des gros seins, là, tout à coup, c'est comme une histoire. C'est comme une histoire. Comment? À Chambly, on avait de ça 68, on mettait ça sur le crankshaft. On partait dans le fossé, man. Bing bang, une brique sur la pédale, tabarnak. Comment il s'appelait? Tu sais, il chauffait, il avait les mains de même. Comment il s'appelait? Ben là, c'est Bernie! Ben oui, Chris, si, c'est Bernie, tabarnak. Je dis, Bernie, c'est un esti québécois, tabarnak. Ça, c'est un Chris de québécois. Bernie à Saint-Jean, esti. Pognait son hot dog, crissait, esti. 3-4 esti tranches de cocombe dedans. Les cocombes marinées, on s'entend. Puis là, il allait voir la voisine. La voisine, elle, était pipée, grise. Elle a pas de tonton, tabarnak. Pas de tonton. Pareil comme une lesbienne, ici. Elle faisait de la boxe. Elle faisait de la boxe, ici. Et elle était dans le driveway, ici. Driveway en garnotte. Nu-pied, tabarnak. Pas de bas. En fait, elle avait des bas. Mais ses bas, ici, étaient troués à force de roncler dans le garnotte, ici. Puis faire des enfants, des karaté kids, tabarnak. Pis là, M. Miyagi regardait. Ben, y'a pas de M. Miyagi. Y'en avait pas, là. C'était un vieux tabarnak, pis il buvait que le calice. Mais il donnait des conseils. Il dit, vas-y, fesse, papa. Pis c'est comme devenu un film de boxe, tu sais. Pis Bernie, aussi, boxait, buvait de la bière. Boxait. Pis il est devenu un champion, aussi. Il est devenu un champion québécois. Son nom, c'était Bernie Penché. Ça, c'est comme une joke, je t'ai compté. Mais tu sais, l'identité québécoise, ça peut se résumer à un hot dog. C'est comme quelque chose de mou avec quelque chose d'artificiel dedans. Ça vient avec des condiments, puis ça vient aussi avec un petit peu de box dans l'abdomen. Puis tu le chies le lendemain. Là. Merci, homme à la casquette. On vient de vivre quelque chose de spécial. Ouais, c'est... Est-ce que ça résume quelque chose? Aide-moi, je boycotte les commentaires. Pas toutes, hein? Ben non, mais là. Okay, là. Ouais, sur ça, toi, Bruno, t'as-tu appris quelque chose dans les derniers instants? On passe au prochain, Nick. On passe au prochain. Coralie, on avait dit qu'on ferait un découpage la dernière fois, mais Nick n'a pas pris le temps de le faire. Fait qu'il faut que je fasse la toune une deuxième fois. Ah, ah. C'est tellement bizarre quand ça part. Oui, c'est ça. C'est moi qui chante ta toune, c'est moi qui t'amène tes textes. Ouais, c'est toi qui chante. Hey, jeune. Oh, wow. Je peux-tu le garder, Damien? You, Damien? Non? C'est hein? sûr que tu peux. Je capote, c'est une pièce en... Salut, ça va bien, hein? Alors, mais là, c'est Coralie, Coralie. Là, Coralie, c'est pas, Coralie. C'est pas l'autre coco, l'autre folle des dernières fois. Ouais, hein? Ouais, okay. C'est ça. T'as... Là, tu vas être pur. Ouais, mettons. Pur? Je sais pas, whatever. Okay. Tu sais, t'as mis souvent, les gens m'arrêtent dans la rue et me demandent, il est quelle heure? Et moi, je dis, mais qu'est-ce que le temps? L'autre chose que... L'autre chose qu'on me demande le plus souvent, c'est Coralie, comment on fait pour renverser le gouvernement en place et installer un gouvernement de transition efficace afin de réussir la révolution socialiste? C'est souvent, ouais. C'est souvent ce qu'on me dit, mais là, bon, premièrement, je leur demande d'arrêter de me baiser les pieds. Hein? Des souliers neufs, on va pas scraper ça avec de la bave de plèbe. Okay. Oh! Moi, je pense que si on veut imposer, encourager la révolution, ça passe, vous l'aurez deviné, par les arts martiaux. Oui. On l'aurait pas deviné. Ben écoute, je suis sûr que parle oui. Parce que, ben oui, parce que qui dit arts martiaux dit karaté. Karaté dit donjon. Donjon dit chaîne. Chaîne, l'antonyme de chaîne, c'est la libération. Hein? Liberté! Ben, liberté! Puis là, ben, je sais que c'est pas un donjon de karaté, mais un dojo de karaté, mais on se soumira pas pour une coupe de lettres. Je comprends. C'est pas si pire. C'est qu'en fait, la révolution part par les arts martiaux, je vous dis, parce que, comme disait le philosophe chinois Sun Tzu dans L'art de la guerre, Ich, Ni, San, Shi, Go, Ruk, Sich, Hach, Ku, Ju. Ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En japonais, exactement. C'est la seule chose que je savais dire. Le chinois a écrit en japonais, bien ouais. entendu. Ouais. Il a compté jusqu'à 10. Il a fait Est-ce qu'on verra? Il a compté jusqu'à 10 en japonais. Oui. Puis il a fait mon verra. Moi, ça, je pensais. Parce que je pense que pour renverser le capitalisme, premièrement, on le sait, ça prend des manifs. Sauf que là, on fait un petit twist, OK? On fait un twist. On organise une manif, OK? On fait un événement Facebook. On fait ça à Émilie Gamelin et toutes, OK? Puis quand la police arrive, elle voit personne parce que... On est des ninjas. Exact! Hein? Bon! Elle était tellement c'est... pour moi, c'est celle-là! T'es fait trois nappés par Jules. Excuse-moi, mais ça... Mais tu devrais être fier d'avoir des disciples, tu sais. Hey, je vais être là! Oui, parce que moi, Tommy, je t'imaginais que tu serais à la tête du commando sur un grand cheval dont le hennissement terrifierait les dieux. Mon brainstorm, là, c'est pas obligé d'être ça. Ben, moi, j'aimerais ça. Parce que pendant que les policiers chercheraient les manifestants sur Sainte-Catherine, nous, on prend d'assaut l'Assemblée nationale avec des moines Shaolin qui sont capables d'arracher les yeux avec leurs orteils. Hein? Parce qu'on va se le dire, attaquer des vitres de banque avec des cailloux, c'est pas mal moins badass que de maîtriser les banquiers avec la prise du tigre. Ah, entre un félin pis de la garnotte. Hey, je veux le voir, celle-là. Toi, change la boxe pour le kung-fu pis faites-le. Ah, c'est ce qu'on fait, ça. Parce qu'une fois qu'on a pris le pouvoir, on transforme le Québec en archipel pis on la porte dans le Pacifique en Sidou. Okay? Ça, c'est québécois. C'est ça. Ben là, je sais, vous allez me dire, ben, OK, comme le Japon. Oui, mais nous, le point va être bleu. J'aime ça. C'est ça qu'on va faire. Puis là, rendu dans le Parlement, plus de division, plus de genre, tout le monde en kimono. Comme tout le monde en kimono. Puis les dîners des ministres, ça va être du riz blanc. Puis si les ministres sont gentils, ils vont pouvoir avoir de la sauce soya puis leur baguette. Puis là, le gouvernement serait formé seulement des gens qui sont ceinture noire ou d'autres couleurs, là, on n'est pas raciste. Puis ils devront... Ils devront pratiquer un art martial. Sans ceinture, finalement. Ça prend une ceinture. C'est une ceinture, c'est correct. Parce que, tu sais, on va pas faire la révolution en bobette, franchement. Faudrait qu'ils pratiquent un art martial comme le aikido, le jujitsu, le chenjutsu, le chier des sushis. Puis on va savoir qu'on peut leur faire confiance parce que leur sensei va leur avoir inculqué des bonnes valeurs. Bonnes valeurs, ben oui. Progressistes, ben puis oui, être loyal envers Splinter. Le peuple. Oui, exact. Puis si jamais il y a corruption, ben là, c'est harakiri direct sur la place du peuple. Ouais! Ouais! Puis c'est où la place du peuple? C'est où la place du peuple? Dans les cendres de McGill, est-ce-t-il? Parce qu'on va pas changer le nom puis garder McGill. J'aurais dit la place Émilie Gamelin, mais bon. Non. Non, ah oui, mais... parce que c'est le début de la Révolution. Ah ouais, c'est là aussi, que ça part, la Révolution. Là, ça va peut-être la place d'autres choses. Genre, il y en a plein aussi. Ça, là. La, hein? On peut en avoir plus qu'une. Ouais, on peut en avoir comme trois. Ouais. On est... Puis là, là, le peuple va se mettre à pratiquer les arts martiaux puis la méditation québécoise, qui consiste à fumer un joint puis faire la prise de la bacaise dans le fond de la boîte à bois. J'aime ça. Qui consiste à prendre une toutoune par les bourrelets et la sacrer dans un baril de la batte. La prise, la bacaise, l'enfant dans la boîte à bas. Puis là, le peuple va se rassembler dans des petits salons de thé partout au Québec pour parler de la nouvelle Constitution. Puis c'est de même qu'après des années de bataille, on va écrire la Constitution du Québec sur des petits papiers de biscuits chinois. J'adore ça. Merci, ça. Coralie. Arigato. Arigato. Gozaimas. Coralie Leperrière. Ah, le rêve. Hein? Sérieux, il manquerait juste des camps de rééducation, puis je vote pour ça, moi. Ben oui, on parle d'un camp de rééducation. T'étais un des porte-parole d'un des camps de rééducation en Corée du Nord dans le temps. Ouais, je voulais envoyer des gens. Le camp 14, quoi, c'était 14. Le camp 14, puis on a-tu des nouvelles de ça? Non, mais ils ont coupé les ponts. Ah ouais, ouais, depuis que c'est Trudeau, ils. Ouais, la liberté, eux c'est autres. C'est ça, non. Fumer du pot, c'est. Ah ouais, non. Être jeune puis sexy, eux autres, ils font pas ça de même. Non, non, on se fait fourrer. Donc, tomber dans les marches, ça fait mal. Eux autres, ouais. Mais écoute, il y a de l'espoir parce que Maxime Bernier... Maxime Bernier, il se présente. Ouais. À part, on fait du name dropping, là. À part Maxime Bernier, c'est quoi le... Ah, des gens à envoyer? Non, moi, je parlais à Maxime Bernier comme premier ministre. Ben oui. C'est ça. Tu l'as pas vu courir... Ah, il est vraiment dynamique. Penses-tu qu'il pourrait battre Justin dans un match de boxe? Dans un match de dynamisme? C'est la même affaire. Ah, c'est la même affaire. Mmh. Ça va dépendre de l'escorte qui l'accompagne. Pense-y. On a un petit bloc avec Bruno, puis après ça, tu vas me sortir ta surprise. Mon pronostic. Ouais. Okay. Puis on arrive à la fin du show. Let's go, on passe au prochain. Co-co-co! C'est les nouvelles. Tout allait bien lors d'une cérémonie de mariage à Tazda, à Chypre, quand le frère du marié a donné un petit coup de poing amical au garçon d'honneur. À ce moment, le prêtre célébrant a décidé qu'il ne laisserait pas passer cet acte haineux et a sauté sur le frère du marié pour le frapper au visage, le faisant saigner. Lorsque le père a voulu intervenir, il a été retenu par la foule. La cérémonie a été terminée par le prêtre qui s'est sauvé immédiatement après. C'est quand je parlais de créer des souvenirs tantôt, là. Pourquoi le monde se marie encore, anyway, là? C'est ça qu'on retient de cette nouvelle-là. On va à la source du problème. Let's go next. Oui, du côté de l'Australie maintenant, une nouvelle tendance chez les adolescentes enceintes. Elles commencent à fumer. En effet, ayant remarqué sur les avertissements de paquets de cigarettes que fumer peut réduire la taille de votre bébé, les adolescentes enceintes choisissent de commencer à fumer afin d'éviter une grossesse pénible. Lorsque confrontées sur leur lecture plus que libérale de l'avertissement, considérant que la cigarette augmente également les risques de fausses couches et d'asthme et que c'est simplement une pratique exécrable, les femmes semblent plus intéressées à avoir un accouchement facile qu'un bébé en santé. C'était ça cette nouvelle-là de l'Australie. Et on reste en Australie. Wesley Matthew King a été accusé de vol et d'entrée par effraction après un cambriolage d'un café à Canberra, en Australie, où 4 000 $ et un iPod et les clés d'une voiture ont été dérobés. Lors de l'enquête, la police a trouvé ses sous-vêtements souillés de ses excréments sur la scène du crime. Un test d'ADN a révélé qu'il s'agissait bien de ses défécations dans les 10 sous-vêtements, mais l'ADN d'une autre personne non identifiée a également été trouvé sur les sous-vêtements. La juge a finalement décidé d'acquitter King, affirmant qu'il y avait un doute raisonnable quant à la possibilité peu probable qu'une autre personne ait porté les sous-vêtements souillés de King lors du cambriolage. C'est vraiment une des meilleures nouvelles que j'ai entendues en longtemps, ça. Hey, l'autre avant, c'est comme, non, ça... mais c'est comme si le gars avait dans son arsenal, dans son sac, il y a des babelles souillées de quelqu'un d'autre pour te mettre ça. Ah oui. C'est calice que c'est weird. Et finalement, Revenons à la maison. La police de Brockville en Ontario est à la recherche d'un homme qui est à l'origine d'une intervention des services d'incendie suite à une chicane entre lui et la copine de son fils, sur la forme de la Terre. La femme soutenait que la planète était plate, tandis que lui était de l'opinion qu'elle était ronde. L'homme est devenu tellement choqué qu'il aurait commencé à lancer des objets dans un feu de camp jusqu'à lancer une bonbonne de propane. Et ça, c'était la fois que c'était la personne qui disait que la Terre était ronde lorsqu'elle des affaires dans le feu. C'est pour, ça. Pour ceux que ça intéresse. C'est ça. C'est la fois que la personne disait que la Terre était ronde. Avait pas raison. Qui a été conne au final. Ouais, c'est tabarnak. Merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Je suis encore sous le choc. Il y en a eu... Ça me scie les jambes, comme dirait Oscar Pistorius. C'est débile, hein? Ça brasse... Too soon? Non, mais c'était deux nouvelles de l'Australie aussi. Deux nouvelles de l'Australie. Est-ce qu'on a une nouvelle Floride? Qui sait? Qui sait? Hey, rendu à ce moment-ci du show, c'est de bon ton de remercier tous les chroniqueurs, de remercier les techniciens là-bas. Oui, merci beaucoup aux techniciens. Merci à Bruno Corbin. Les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. Ça va être François, Luc, Saint-Gelais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonsoir, un gros merci à Tommy. Grâce à toi, j'ai l'impression d'être dans le désert pour vrai. Oui, quand je viens au douteux, généralement, pour faire des numéros, j'essaie tout le temps de me mettre les pieds un peu dans les plats. Et hier, j'ai eu la brillante idée d'envoyer un fichier avec les gags que j'ai jamais fait en show et des gags que j'aime pas à un de mes amis. Et mon ami a choisi 15 blagues là-dedans. Et moi, dans le fond, j'ai imprimé la feuille, j'ai découpé les blagues et je les ai mis dans un pot. Ouais. Fait que ça se peut, sincèrement, je vous avertis, ça se peut que ça soit vraiment, comment dire, déplacé des fois. Genre que ça se pourrait qu'il y ait des blagues là-dedans que j'ai écrit à comme 17-18 ans après une rupture. C'est comme ton sac à blagues. Ouais, un bon sac à surprise. Un sac douteux, hey, je fais des jeux de mots. Ok, on y va avec la première blague, ça va être fou ben raide. Si un gars qui porte un costume en spandex, on appelle ça un super-héros, ça veut-tu dire qu'un gros gars qui se déguise en fille, on peut appeler ça un gros trans? LOL. De Saint. Ok. Je pense qu'on devrait envisager de remplacer les retrouvailles du secondaire par des retrouvailles de la garderie. Comme ça, au lieu de parler de sujets inintéressants comme le bal définissant, on pourrait assister à des répliques mémorables du genre « Hey, te rappelles-tu de la fois où j'ai mangé de la terre puis je t'ai montré mon pénis? » Ouais, je m'en rappelle, là, j'étais en train de chier dans le carré de sable. En général, dans la vie, je suis quelqu'un qui a vraiment de la misère à finir ce qui commence. Mais tu sais, je suis juste de même avec des trucs inévitables, genre quand je mange, quand je joue au Scrabble ou quand je fais l'amour. Parce que oui, pour moi, faire l'amour, c'est comme faire un demi-marathon. Dans le sens où on me dit qu'on est fier de moi, même si au final, on m'oublie assez vite. Yes. Quand j'étais plus jeune, ça a été long avant que ma mère me dise ce que c'est des menstruations. Et je vous avouerai qu'à cause de ça, j'ai vécu beaucoup de confusion parce qu'à chaque fois que ma mère me disait... Parce qu'à chaque fois que ma mère disait à mes sœurs qu'elle allait leur chercher des tampons, moi, j'étais persuadé qu'on allait peut-être finir par jouer aux auto-tamponneuses. Disons que moi aussi, à chaque mois, j'ai fini par vivre une certaine douleur. J'ai tellement de la misère à vivre avec les silences qu'un jour, ma cousine m'a avoué qu'elle avait eu ses premières menstruations et je lui ai répondu « Cool, fait que toi aussi maintenant, tu peux lancer ta propre compagnie de jus de canneberge. » Je suis le genre de gars qui baisse les bras assez facilement. Pour vous donner un exemple, dernièrement, j'ai décidé d'arrêter mes cours de billard parce que ça me faisait trop chier de pas être encore assez bon pour rentrer de quoi dans un trou. Si un jour j'ai à me partir une fondation, je me partirais clairement une fondation pour contrer la dysfonction érectile. Comme ça, j'aurais une bonne raison pour que mon premier commanditaire soit la compagnie Band-Aid. Band-Aid, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'humour intelligent. Gagner son argent en travaillant fort, ça sent la persévérance. Gagner son argent en la trouvant par terre, ça sent la chance. Puis gagner son argent à la poule aux œufs d'or, ça sent juste le renfermer. Message aux matantes qui ont beaucoup trop de plaisir à donner des bisous. Un bisou, c'est censé être réconfortant. C'est pas censé être donné en paquet de 36. Je veux dire, une mitraillette de salive, ça me fait pas du bien. Ça me donne juste une idée de ce que ça fait recevoir un comme chat. On dit souvent, celui qui sème le vent récolte la tempête. Donc, si tu trompes ta blonde, ça se peut qu'elle se fasse gangbang. OK, je comprends. Ma vie sexuelle, c'est comme les livres d'Aurélie Laflamme. Tu ne sais pas pourquoi ça fonctionne, mais tu le sais que c'est ordinaire. Dernièrement, j'ai vécu une rupture et mon état s'est relativement dégradé. Je dormais plus, je bougeais plus, je mangeais plus, je parlais plus, j'avais plus de convictions. Je vivais des moments difficiles. Une journée, j'étais un homme et celle d'après, j'étais un participant de la voix. On me compare souvent à un pointeur laser, vu que les seuls êtres qui me trouvent intéressants, c'est des chats. Hey, je suis baigné d'un, c'est fou. Vivre aux États-Unis, ça veut aussi dire que tu dois accepter le fait que de faire l'amour sans protection, ça veut aussi dire ne pas avoir de gun. En d'autres mots, tu veux dire qu'il manque un punch. C'est correct. C'est correct. J'ai remarqué que la banque, c'est comme une dépendante affective. Au début, elle est gentille pour que tu t'ouvres à elle, mais à la minute où tu dépasses une certaine limite, ça se peut qu'elle t'appelle 28 fois en moins de 2 heures. Ça, c'est un fait vécu, fait que c'est correct. La fille ou la banque? Plus la banque. Il y a du monde qui disent « Je pardonne, mais j'oublie jamais. » Ah ouais, t'oublies jamais? C'est comme tu dirais normal, t'as 16 ans puis t'es enceinte. OK, la dernière, je suis vraiment pas si content que ça. Ben oui. L'avenir du parti de la CAQ, c'est un peu comme les seins de Pamela Anderson. Commencer si gros pour finir si bas. Bonne soirée. Radio H2O. Your Jedi mind tricks do not work on me. Ensemble, nous sommes la force. Honey money. No buts, no money, no dude. Hey, my name is Ray Park. I play Darth Maul in The Phantom Menace and Snake Eyes in G.I. Joe Retaliation. You're listening to H2O Radio. May the Force be with you and beware of the dark side. Bonsoir tout le monde, bonsoir Montréal. Comment ça va? Hey, la fille. Ground Control to Major Tom, Final Countdown. Ouais. En fait, je pensais qu'elle allait break out. Starships, we're meant to fly. Ça aurait pu. Ou Come Sail Away. Come Sail Away, ça aurait été hot aussi. Genre. Mais, Final Countdown, Major Tom, c'était audacieux. Elle est allée là. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Andy. Je suis flanqué de Bruno, qui va être ma maid of honor pour ce soir. Ça, c'est après, avec le bon nombre d'argent. Alors, on est ici pour l'encan habituel à tous les lundis, l'encan hebdomadaire, parce qu'on n'a pas d'argent. On a-tu? On n'a toujours pas d'argent, hein? C'est pas réglé, ça? Alors, pour pouvoir ramasser de l'argent, parce qu'on est un organisme à but non lucratif, évidemment, on a trouvé une façon intelligente et drôle. On ramasse des cochonneries, puis on vous les vend. Puis là, ça fait quoi, 3 ans? Fait qu'on on est rendu pas mal bon pour trouver des cochonneries. Alors, Bruno, si tu veux bien me montrer la première cochonnerie qu'on offre ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, OK. On a la trame sonore de The Omen. Mais ça, c'est un laserdisc? Non, c'est le single. C'est le single de la toune de The Omen, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, oui, il y a juste une toune dans The Omen. Excusez, il y en a deux. Il y a la version avec les paroles d'un bar puis la version instrumentale d'un bar, je pense. Non, d'habitude, c'est ça, ces affaires-là. Oui, c'est un disque vinyle qui est mint dans le plastique. Excellent. Et on rajoute à ça, puis sérieux, je pense que je vais laisser Bruno parce qu'il savait plus que moi déjà en arrière. Fait que vas-y, Bruno. Oui, ce serait pas la première fois. Alors, c'est vrai, c'est la deuxième fois à soir, là, j'invente rien. OK. Alors, c'est le Rumorgue du mois de juin, le Rumorgue qui est une revue ou un magazine qui parle d'affaires d'horreur en général. Alors, pour les fans d'horreur, écoute, je pense que c'est le lot pour vous. Par exemple, si votre père est fan d'horreur et que vous avez oublié la fête des pères hier, c'est peut-être le bon moment d'acheter ça. Moi, mon père, il est vraiment fan d'horreur. Il est mort. C'est une belle façon de name-dropper ça. Tiens, prends ça. Alors, on commence ça à 2 $. 2 $! Ça commence bien. 2 $, qui dit mieux? 3. Wow, bravo. 3? C'est mon ami, 4. 4, wow. OK, vous êtes un contre là. OK, c'est bon. Ouais, vas-y. 4? 5? Veux-tu? Je vais aller vous parler juste à vous deux. Ce sera pas long, gang. OK, on est à 5. Toi? Ah, OK. 6. Merci. OK, 6 $. Qui dit mieux? Pour mon père, il est mort, là. Oui, il est mort, son père, là. 7 $, tout bon. On applaudit. Bravo. OK, arrêtez. OK, 7 $ une fois. 7,50. 7,50, gang! Yeah! 7,50 une fois. Oh! Là, ça n'a pas de sens, ça. C'est toi qui as le chef père à soir. Là. OK. 7, 9, OK, wow, 9! Je sais. 9 $ une fois. 9 $ deux fois. Personne, vraiment? OK. 9 $ 3 fois vendu à un des deux amis. Ben, c'était le fun, ça. Wow. Alors, on y va avec le prochain. Oh, regardez-moi ça, c'est pas cute, ça. On a une figurine, un fig de Hulk. Est-ce que vous savez c'est qui de Hulk? Et voilà, c'est un Ninja Turtle qui a mal viré, c'est un scientifique fou, whatever. Alors, on commence à 2$. Wow, 3$, est-ce que c'est les deux mêmes? Non, OK. Moi, j'ai de la lumière. Alors, 3$ une fois. 4$. 4$, quoi? 5, merci, 5 en arrière. Désolé, c'est parce que je suis habitué à droite. 5$ une fois. 5$ deux fois. On parle de Hulk ici. Il n'y a pas de geek dans la salle. 5$ trois fois. Vendu à Marie-Jules. C'est qui va... Mathieu, lâche la serveuse. Mathieu, come on. Toute la soirée, elle se fait faire ça. Come on. Lâche-la, là, pauvre titre. OK. C'est Marie. C'est pas la finale, ça? Non, la finale, c'est l'autre affaire. Tu me niaises? Ah oui, la deux. Ouais, l'autre finale. OK. Moi, quand j'étais jeune, un des jeux que mes parents essayaient de me faire jouer, c'est le jeu de la pichenote. Et j'ai jamais été capable parce que ça fait mal aux doigts. Alors ce soir, on vous offre le jeu de pichenote familial. Est-ce qu'il est familial, Tommy? Il est familial, hein? Ça n'a pas rapport... Non, OK. Fait qu'il n'est pas familial. Fait que c'est au moins 20$ de moins. Comptez ça. Alors, il y a 4 couleurs. Parce que... Non, il y a 4 couleurs parce qu'il y a 4 coins. C'est un jeu mint. On n'a quasiment pas joué avec. C'était quoi la moyenne? C'est 0.075 par année, hein, qu'on a joué avec. C'est ça. Et ça vient avec la base, la table et les pichenottes. Dans une aumônière en cuir. Bruno drop son savoir en ce moment. Une réelle amérindienne ou une fausse amérindienne? Réelle amérindienne, OK. 5$! Ouais, on commence à 5. OK, merci. 5$ une fois. 6! 6$ en arrière. 7! 7$, ça va vite. 8! 10! 10! Fuck you! 12! 15! J'aime ça jouer avec vous autres, gang. 15 une fois. 15 deux fois. 20! 20$ en arrière. C'est correct. 20$ une fois. 20$ deux fois. 20$ trois fois vendu en arrière. Mathieu, tu l'amènes au complet en un coup. C'est livré à domicile. Tiens ça, je vais mettre ton appart en début. OK. OK, ça va être compliqué. Fais juste mettre ça sur le côté. Vous savez, mes parents étaient sourds, ben ils sont encore. Et ce qu'on va vous présenter comme prochain lot, ben j'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai jamais eu de tourne-disque, je l'avoue. Alors, ce que je vais vous présenter, j'en ai vraiment pas grand-chose à foutre, malgré que c'est Cyndi Lauper. Donc on a un lot de disques. Est-ce que tous les disques sont présents dedans? Est-ce que ça a été vérifié? Je vais te dire ça à mesure. OK. Alors, on commence avec Cyndi Lauper. Est-ce qu'il y a toutes les tunes connues? Ah, ben oui, la tune de masturbation est là. La tune des filles qui veulent juste avoir du plaisir en se masturbant. Le temps après le temps. Je vais t'embrasser. Il est si bizarre. Ils sont presque toutes là. On y va avec un prochain. C'est quoi ça? J'ai aucune idée. C'est quoi? Concert Spectacular. C'est l'artiste, c'est des gens, probablement. Alors, on a Romanian Rhapsody numéro 1. Oh shit. Oh yeah. Oui, yeah. Ah, ouais. On est, non, c'est pas Queen, non. C'est Romanian. Romanian. Donc, ouais, c'est ça. On est plus dans le classique ici, je crois. Ouais, il y a Rêverie. Tchaïkovski, puis du monde là, qu'on connaît tous. Parce que on fait le sac! On va laisser ça ici, comme ça. On est voir avec les prochains? Ah, mais oui. Come on, les filles! Flash dance! Come on! What a feeling! Come on! Et les 10 autres chansons que personne connaît. La fille qui s'est attaquée par une douche. On a... Oh shit, Pop Citrouille. On peut peut-être pas venir un... Ouais, un des porte-lance. Connaissez-vous Pop Citrouille? Ouais, je sais quoi. Viens en parler. Viens en parler avant de l'acheter. Écoute, Pop Citrouille, c'était une superbe émission à Radio-Canada. C'était comme Télépirate, mais en moins bon. Il y avait Norma Brathwaite là-dedans, il y avait André Cartier. André Cartier qu'on avait vu dans Passe-Partout sous le nom d'André, dans You-Who sous le nom d'André, ben dans le fond c'est tout le temps appelé André. Marie Haeckel qui est là-dedans. Ah oh, ouais! Ah oh, ouais! Ben elle chante! Pauline un peu. Pauline Martin, peut-être qui était là. Ben je sais pas là, j'ai jamais écouté vraiment ça. J'ai vu sur Wikipédia c'était quoi. Attends, je veux juste m'assurer. C'est-tu des bides qu'on entend de ce côté-là là? C'est ça! Je vais voir ton Rémi Girard puis je te raise une Pauline Martin. Avec une Marie Haeckel en dessus. OK, on y va avec Back. Vous connaissez Back là, on viendra pas avec ça. Donna Summer, les best. Y'a-tu? Ah, y'a MacArthur Park. Fais ça vite. Oh, shit. La trame sonore de Bernard et Bianca, rien de moins. Sont-tu toutes dedans, Andy? C'est le bon! C'est le bon! Ah, les pochettes sont devant les trois côtés. Martine Sinclair avec son album Cœur d'ordinateur. Et pour finir, le non le moindre, un autre passe-partout, tiens mon dessous. Et voilà. Et j'aimerais ajouter qu'il est mint dans le plastique. Non, il n'y a pas les bonbons légumes, mais il y a brosse, brosse, brosse. C'est la même tune. C'est pas mal la même tune. Alors, pour ce lot magique, moi, je commencerai ça à 5$ parce qu'il y a au moins... 10. Merci, 6. Combien? 15. Ben oui. Ben oui, 15$, tout le monde, on applaudit. Sinon, ça devient plate. On regarde dans le vide. 15$. 20$ ici. Ouais, je suis pas Toto, hein? Oh my God! Applaudissez! Ouais, ça va, Montréal! Êtes-vous en forme? Ouais. 20$ une fois. Quoi? 20$ une fois. 20$ deux fois. 20$ trois fois. Vendu au petit monsieur en avant. Est-ce qu'il nous reste un lot? Il reste la peinture que tu es en train de faire. Caroline, est-ce que tu veux venir parler de ton tableau? Non. Garage, ouais. Ben attends. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai fait un bout de rôle. En tout cas, il y a plein de choses que j'ai écrites. Ah, bla, bla, bla. Elle a plein de choses à dire sur sa toile, là. Bla, bla, go! OK, si j'ai bien compris, ta toile représentait un lys ou un pénis. Un pénis. Un pénis dans l'huile. Un pénis lys dans le pétrole. Là, il y a plein de phrases qu'on a entendues cet soir sur le tableau. Et voilà. Là, je tiens à vous dire que cette partie-là, donc la partie du tableau à Val Vernir, cette partie-là n'est pas remise à douteux.org. On a ramassé assez d'argent ce soir, donc c'est remis à Caroline directement. On veut voir un compte, tabarnak. Enfin, c'est compliqué d'ouvrir un compte, ça. Alors, moi, je commencerais ça à... Ça vaut combien, ça? Ça vaut combien, ça, à base? 10 piastres? À 20? OK, on commence à 20. Mais attends, c'est-tu beau? Rentre là-bas, ami. Oh, shit, OK, c'est pas pire, ça. OK, 30 là-bas? Moi, je vais à 35. Ah, shit, bitch. 40 une fois. 42 fois. Non, sa place, c'est dans un musée, c'est correct. 43 fois vendu à Tommy. Ben, je pense que c'est terminé. Là, on s'en va vers le film. Tu vas venir parler du film? 45. J'aimerais remercier Dieu pour ma victoire du tableau. J'aimerais remercier premièrement Dieu, les gens qui ont les valeurs à... moment de les applaudir, s'il vous plaît. Oui. Vos VJ de la soirée. Merci, Mathieu. On a eu un problème ce soir avec le fil brun. On parle de arraché par un délicat. Donc, je suis rendu à vous parler du long métrage qui s'en vient. Oh, et aussi du fait que quelqu'un va passer le Yuki. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas, son orifice dilaté est ouvert à tous vos caprices. Et ça nous fait très plaisir à chaque lundi de revenir vous offrir le meilleur show gratuit du lundi de la Terre. Oui, humblement. Ah oui, on a les mascottes qu'on mérite, pas celles qu'on veut. Donc... on va écouter un long métrage qui s'appelle Gaétan. Et juste après, les créateurs de la dite bête vont être présents pour répondre à vos questions et autres choses. Un Q&A après un long métrage avec le réalisateur et le cinéaste. Quand même. T'sais. Quand même. Hein, je pense que, en tout cas. Fait que c'est grâce à moi et à tellement d'autres personnes que je peux dire « Ta gueule, Tommy », puis on écoute Gaétan. Et je vous souhaite à tous les Québécois, à la hauteur de ce qui est important pour vous, une excellente Saint-Jean pour tout ce que ça veut dire de la... Moi, j'ai une journée gratuite payée. Christ que je suis heureux, là, tu sais. Vive le Québec!